Les Lévines étaient à Moscou depuis 2 mois, et le terme fixé par les autorités compétentes pour la délivrance de Kitty se trouvait dépassé sans que rien ne fît présager un dénouement prochain. Aussi commençait-on à se préoccuper dans l'entourage de la jeune femme. Tandis que Lévine voyait approcher le moment fatal avec terreur, Kitty gardait tout son calme. Cet enfant qu'elle attendait existait déjà pour elle. Il manifestait même son indépendance en la faisant parfois souffrir. Mais cette douleur étrange et inconnue n'amenait qu'un sourire sur ses lèvres. Elle sentait naître en son cœur un amour nouveau. Jamais son bonheur ne lui avait paru aussi complet. Jamais elle ne s'était sentie plus gâtée, plus choyée de tous les siens. Pourquoi aurait-elle hâté de ses voeux la fin d'une situation qu'on savait lui rendre si douce? Le seul côté fâcheux qu'elle constata dans leur vie moscovite était le changement survenu dans le caractère de son mari. Elle le trouvait inquiet, ombrageux, oisif, agité sans but. Était-ce l'homme qu'elle avait connu toujours, utilement occupé à la campagne, et dont elle admirait la dignité tranquille et la cordiale hospitalité? Elle ne le reconnaissait plus, et cette transformation lui causait un sentiment voisin de la pitié. La jeune femme était seule, du reste, à éprouver cette compassion, car elle s'avouait que rien dans son mari n'excitait la commisération, et quand elle se plaisait à étudier l'effet qu'il produisait en société, c'était plutôt sa jalousie qui risquait d'être mise en éveil. Mais, tout en reprochant à Lévine son incapacité à s'accommoder d'une existence nouvelle, Kitty reconnaissait que Moscou lui offrait peu de ressources. Quelles occupations pouvait-elle y s'y créer? Il n'aimait ni les cartes, ni la compagnie des viveurs comme Oblonsky, ce dont elle rendait grâce au ciel. Le monde ne l'amusait pas. Pour s'y plaire, il aurait dû rechercher la société des femmes. Que lui restait-il donc en dehors du code monotone de la famille? Lénine avait bien songé à terminer son livre et commencer les recherches dans les bibliothèques publiques. Mais il avoua à Kitty qu'il se déflorait à lui-même l'intérêt de son travail lorsqu'il en parlait, et d'ailleurs le temps lui manquait pour rien faire de sérieux. Les conditions particulières de leur vie de Moscou eurent en revanche un résultat inattendu, celui de faire cesser leur querelle. La crainte que tous deux avaient éprouvée de voir renaître des scènes de jalousie se trouva vaine, même à la suite d'un incident imprévu, la rencontre de Vronsky. Kitty, en compagnie de son père, le rencontra un jour chez sa marraine, la princesse Marie Bossirzovna. En retrouvant ses traits autrefois si connus, elle sentit son cœur battre à l'étouffer et son visage devenir pourpre. Mais ce fut le seul reproche qu'elle eut à s'adresser, car son émotion ne dura qu'une seconde. Le vieux prince se hâta d'entamer une discussion animée avec Vronsky, et l'entretien n'était pas achevé que Kitty aurait pu soutenir la conversation elle-même sans que son sourire ou l'intonation de sa voix eût prêté aux critiques de son mari dont elle subissait l'invisible surveillance. Elle échangea quelques mots avec Vronsky, sourit lorsqu'il appela l'assemblée de Kachine « notre parlement » pour montrer qu'elle comprenait la plaisanterie, puis s'adressa à la vieille princesse et ne tourna la tête que lorsque Vronsky se leva pour partir. Elle lui rendit alors son salut simplement et poliment. Le vieux prince ne fit en sortant aucune remarque sur cette rencontre, mais Kitty comprit à une nuance particulière de tendresse qu'il était content d'elle et lui fut reconnaissante de son silence. Elle aussi était satisfaite d'avoir été maîtresse de ses sentiments au point de revoir Vronsky presque avec indifférence. « J'ai regretté ton absence, » dit-elle à son mari en lui racontant cette entrevue, « ou du moins j'aurais voulu que tu puisses me voir par le trou de la serrure, car devant toi je serais devenu trop rouge et n'aurais peut-être pas conservé mon aplomb. Moi, comme je rougis maintenant. » Et Lévine, d'abord plus rouge qu'elle, et l'écoutant d'un air sombre, se calma devant le regard sincère de sa femme et lui fit, comme elle le désirait, quelques questions. Il déclara même qu'à l'avenir, il ne se conduirait plus aussi sottement qu'aux élections et ne fuirait plus Vronski. C'est un sentiment si pénible que de craindre la vue d'un homme et de le considérer comme un ennemi, dit-il. « N'oublie pas de faire une visite au bal, » rappela Kitty à son mari, lorsqu'avant de sortir, il entra vers 11 heures du matin dans sa chambre. « Je sais que tu dînes au club avec papa, mais que fais-tu ce matin ?»« Oh, je vais chez Katavasov. »« Pourquoi le si bonheur ?»« Il m'a promis de me faire faire la connaissance d'un savant de Pétersbourg, Metrov, avec lequel je voudrais causer de mon livre. »« Et après ?» Au tribunal pour l'affaire de ma sœur. Tu n'iras pas au concert? Que veux-tu que j'y aille faire tout seul? Je t'en prie, vas-y. On donne 2 œuvres nouvelles qui t'intéresseront. En tout cas, je rentrerai avant dîner pour te voir. Mais ta redingote pour pouvoir passer chez les Balls. Bien nécessaire. Certainement, le comte est venu lui-même chez nous. J'ai tellement perdu l'habitude des visites que je me sens tout honteux. Il me semble toujours qu'on va me demander de quel droit un étranger comme moi, qui ne vient pas pour affaires, s'introduit dans une maison. Kitty se mit à rire. Et tu faisais bien des visites quand tu étais garçon. C'est vrai, mais ma confusion était la même. Et baissant la main à sa femme, il allait sortir. Lorsque celle-ci l'arrêta, « Kostia, sais-tu qu'il ne me reste plus que 50 roubis ? Je ne fais pas de dépenses inutiles, il me semble, » ajouta-t-elle, voyant le visage de son mari se rembrunir. « Cependant, l'argent disparaît, si vite qu'il faut que notre organisation pêche de quelque côté. » « Nullement, » répondit Lévin, avec une petite toux qu'elle savait être un signe de contrariété. J'entrerai à la banque. D'ailleurs, j'ai écrit à l'intendant de vendre le blé et de toucher d'avance le loyer du moulin. L'argent ne manquera pas. Je regrette parfois d'avoir écouté maman. Je vous fatigue tous à m'attendre. Nous dépensons un argent fou. Pourquoi ne sommes-nous pas restés à la campagne? Nous y étions si bien. « Moi, je ne regrette rien de ce que j'ai fait depuis notre mariage. »« Est-ce vrai ?» lui dit-elle, en le regardant bien en face. « À propos, sais-tu que la position de Dolly n'est plus tenable ?»« Nous en avons causé hier avec maman et Arsène, le mari de sa sœur Nathalie, et ils ont décidé que vous parleriez sérieusement à Stiva, car papa n'en fera rien. » « Non, je suis prêt à suivre l'avis d'Arsène, mais que veux-tu que nous y fassions ?»« En tout cas, j'entrerai chez l'Elvoff et peut-être alors irai-je au concert avec Nathalie. » Le vieux Kousma, qui remplissait en ville les fonctions de majordome, apprit à son maître en le reconduisant qu'un des chevaux boitait. Lévin avait cherché, en s'installant à Moscou, à s'organiser une écurie convenable qui ne lui coûta pas trop cher. Mais il fut obligé de reconnaître que des chevaux de louage étaient moins dispendieux, car pour ménager ses bêtes, il prenait des isvotchiks à chaque instant. C'est ce qu'il fit encore ce jour-là, s'habituant peu à peu à trancher d'un mot les difficultés qui représentaient une dépense. Le premier billet de 100 roubles lui avait été seul pénible à dépenser. Il s'agissait d'acheter des livrées aux domestiques, et en songeant que 100 roubles représentaient les gages de 2 ouvriers à l'année ou de 300 journaliers, Lévin avait demandé si les livrées étaient indispensables. Le profond étonnement de la princesse et de Kitty à cette question lui ferma la bouche. Au second billet de 100 roubles, pour l'achat des provisions nécessaires à un grand dîner de famille, il hésita moins, quoiqu'il supputât encore mentalement le nombre de mesures d'avoine représentées par cet argent. Depuis lors, les billets s'envolaient, pareil à de petits oiseaux. Lévi ne demanda plus si le plaisir acheté par son argent était proportionné au mal qu'il donnait à gagner. Il oublia ses principes arrêtés sur le devoir de vendre son blé au plus haut possible. Il ne songea même plus à se dire que le train qu'il menait l'endetterait promptement. Avoir de l'argent à la banque fut subvenir aux besoins journaliers du ménage, fut dorénavant son seul objectif. Jusqu'ici, il n'avait pas été gêné, mais la demande de Kitty venait de le troubler. Comment se procurerait-il de l'argent plus tard? Plongé dans ses réflexions, il monta en isvolchik et se rendit chez Katalafsov. Lévin s'était beaucoup rapproché de son camarade d'université. Tout en admirant son jugement, il pensait que la netteté des conceptions de Katafassov découlait de la pauvreté de nature de son ami. Katafassov pensait que l'incohérence d'idées de Lévin provenait d'un manque de discipline dans l'esprit. Mais la clarté de Katafassov plaisait à Lédin. Et la richesse d'une pensée indisciplinée chez ce dernier était agréable à l'autre. Le professeur avait décidé Lévin à lui lire une partie de son ouvrage. Frappé par l'originalité de quelques points de vue, il proposa à Lévin de le mettre en rapport avec un savant éminent, le professeur Metrov, qui se trouvait momentanément à Moscou et auquel il avait parlé des travaux de son ami. La présentation se fit très cordialement ce jour-là. Metrov, homme aimable et bienveillant, commença par aborder la question à l'ordre du jour, le soulèvement du Monténégro. Il parla de la situation politique et cita quelques paroles significatives prononcées par l'empereur et qu'il tenait de sources certaines. Ce à quoi Katavassov opposa des paroles d'un sens diamétralement opposé, et de sources également certaines, laissant Lévin libre de choisir entre les deux versions. Monsieur est l'auteur d'un travail sur l'économie rurale dont l'idée fondamentale me plaît beaucoup en ma qualité de naturaliste. Il tient compte du milieu dans lequel l'homme vit et se développe, ne l'envisage pas en dehors des lois zoologiques et l'étudie dans ses rapports avec la nature. C'est fort intéressant, dit Metrov. « Oh, mon but est simplement d'écrire un livre d'agronomie, » dit Lévin en rougissant, « mais malgré moi, en étudiant l'instrument principal, le travailleur, je suis arrivé à des conclusions fort imprévues. » Et Lévin développa ses idées, tout en tâtant prudemment le terrain, car il savait à Metrov des opinions opposées à l'enseignement politico-économique du moment et doutait du degré de sympathie qu'il lui accorderait. En quoi le russe, selon vous, diffère-t-il des autres peuples en tant que travailleur? Est-ce au point de vue que vous qualifiez de zoologique ou à celui des conditions matérielles dans lesquelles il se trouve? Cette façon de poser la question prouvait à Lénine une divergence d'idées absolue. Il continua néanmoins à exposer sa thèse, qui consistait à démontrer que le peuple russe ne peut avoir les mêmes rapports avec la terre que les autres nations européennes, par ce fait qu'il se sent d'instinct prédestiné à coloniser d'immenses espaces encore incultes. Il est aisé de se tromper sur les destinées générales d'un peuple en formant des conclusions prématurées, remarqua Metrov en interrompant Lévin, et quant à la situation du travailleur, elle dépendra toujours de ses rapports avec la terre et le capital. Et sans donner à Lévin le temps de répliquer, il lui expliqua en quoi ses propres opinions différaient de celles qui avaient cours. Lévin n'y comprit rien et ne chercha même pas à comprendre. Pour lui, Metrov, comme tous les économistes, n'étudiait la situation du peuple russe qu'au point de vue du capital, du salaire et de la rente, tout en convenant que pour la plus grande partie de la Russie, la rente était nulle, le salaire consistait à ne pas mourir de faim, et le capital n'était représenté que par des outils primitifs. Métrophe ne différait des autres représentants de l'école que par une théorie nouvelle sur le salaire qu'il démontra longuement. Après avoir essayé d'écouter, d'interrompre pour exprimer son idée personnelle et prouver ainsi combien peu il pouvait s'entendre, Lévine finit par laisser parler Métrophe, flatté au fond de voir un homme aussi savant le prendre pour confident et lui témoigner autant de déférence. Il ignorait que l'éminent professeur, ayant épuisé ce sujet avec son entourage habituel, n'était pas fâché de trouver un auditeur nouveau, et qu'il aimait d'ailleurs à causer des questions qui le préoccupaient, trouvant qu'une démonstration orale contribuait à lui en élucider à lui-même certains points. Nous allons nous mettre en retard, dit enfin le marquis Calatos en consultant sa montre. Il y a aujourd'hui séance extraordinaire à l'université, à l'occasion du jubilé de 50 ans de Svintich, ajouta-t-il en s'adressant à Lévine. J'ai promis de parler sur ses travaux zoologiques. Viens avec nous, ce sera intéressant. Oui, venez, dit Métrophe. Et après la séance, faites-moi le plaisir de venir chez moi pour me lire votre ouvrage. Je l'écouterai avec plaisir. Oh, c'est une ébauche indigne d'être produite, mais je vous accompagnerai volontiers. Quand ils arrivèrent à l'université, la séance était déjà commencée. 6 personnes entouraient une table couverte d'un tapis et l'une d'elles faisait une lecture. Katavassov et Metrov prirent place autour de la table. Lévine s'assit auprès d'un étudiant et lui demanda à voix basse ce qu'on lisait. « La biographie !» Lévine écouta machinalement la biographie et apprit diverses particularités intéressantes sur la vie du savant dont on fêtait le souvenir. Après ce morceau vint une pièce de vers, puis Katavassov lut d'une voix puissante une notice sur les travaux de Svintich. Après cette lecture, Lévine, voyant l'heure avancée, s'excusa auprès de Métrophe de ne pouvoir passer chez lui et s'esquiva. Il avait eu le temps, pendant la séance, de réfléchir à l'inutilité d'un rapprochement avec l'économiste pétersbourgeois. S'ils étaient destinés l'un et l'autre à travailler avec fruit, ce ne pouvait être qu'en poursuivant leurs études, chacun de leur côté. Lvov, le mari de Nathalie, chez lequel Lévine se rendit en quittant l'université, venait de se fixer à Moscou pour y surveiller l'éducation de ses jeunes fils. Lui-même avait fait ses études à l'étranger et avait passé sa vie dans les principales capitales de l'Europe où l'appelaient des fonctions diplomatiques. Malgré une différence d'âge assez considérable et des opinions très dissemblables, ces deux hommes s'étaient pris d'amitié l'un pour l'autre. Lévine trouva son beau-frère en tenue d'intérieur, lisant avec un pince-nez, debout devant un pupitre. Le visage de Lvov, d'une expression encore pleine de jeunesse, et auquel une chevelure frisée et argentée donnait un air aristocratique, s'éclaira d'un sourire en voyant entrer Lévine, qui ne s'était pas fait annoncer. « J'allais envoyer prendre des nouvelles de Kitty, dit-il. Comment va-t-elle ? » Et il avança un fauteuil américain à bascule. « Mettez-vous là, vous y serez mieux. Avez-vous lu la circulaire du journal de Saint-Pétersbourg ? Elle est fort bien, » demanda-t-il avec un léger accent français. Lévine raconta ce qui lui avait été dit des bruits en circulation à Pétersbourg, et après avoir épuisé la question politique, il conta son entretien avec Metrov et la séance de l'université. Combien je vous envie vos relations avec cette société de professeurs et de savants, dit Lvov, qu'il avait écouté avec le plus vif intérêt. Oh, je ne pourrais, il est vrai, en profiter comme vous, faute de temps et d'une instruction suffisante. Oh, je me permets de douter de ce dernier point, répondit en souriant Lévine, que cette humilité toucha par sa simplicité. Oh, vous ne sauriez croire à quel point je le constate maintenant que je m'occupe de l'éducation de mes fils. Non seulement il s'agit de me rafraîchir la mémoire, mais il me faut refaire mes études. Vous en riez. Bien au contraire, vous me servez d'exemple pour l'avenir et j'apprends en vous voyant avec vos enfants comment il me faudra remplir mes devoirs envers les miens. Oh, oh, l'exemple n'a rien de remarquable. Oh, si fait, car jamais je n'ai vu d'enfant mieux élevé que les vôtres. Lvov ne dissimula pas un sourire de satisfaction. En ce moment, la belle Madame Lvov, en toilette de promenade, les interrompit. Oh, je ne vous savais pas ici, dit-elle à Lévin. Comment va Kitty? Vous savez que je dîne avec elle aujourd'hui. Les plans de la journée furent discutés entre les époux, et Lévin s'offrit pour accompagner sa belle-sœur au concert. Au moment de partir, il se rappela la commission de Kitty au sujet de Stiva. « Oui, je sais, dit Lvov. Maman veut que nous lui fassions de la morale, mais que puis-je lui dire ?»« Eh bien, je m'en charge, s'écria Lévin en souriant. » Et il courut rejoindre sa belle-sœur, qui l'attendait au bas de l'escalier, enveloppée de ses fourrures blanches. On exécutait ce jour-là deux œuvres nouvelles à la matinée musicale qui se donnait dans la salle de l'Assemblée. Une fantaisie sur le roi Lear de la steppe et un quatuor dédié à la mémoire de Bach. Lévin avait un grand désir de se former une opinion sur ses œuvres écrites dans un esprit nouveau, et pour ne subir l'influence de personne, il alla s'adosser à une colonne, après avoir installé sa belle-sœur, décidé à écouter consciencieusement et attentivement. Il évita de se laisser distraire par les gestes du chef d'orchestre, par les toilettes des dames, par la vue de toutes ces physionomies oisives venues au concert pour toute autre chose que la musique. Il évita surtout les amateurs et les connaisseurs qui parlent si volontiers debout, les yeux fixés dans l'espace, et il s'absorba dans une profonde attention. Mais plus il écoutait la fantaisie sur le roi Lear, plus il sentait l'impossibilité de s'en former une idée nette et précise. Sans cesse, la phrase musicale, au moment de se développer, se fondait en une autre phrase, ou s'évanouissait, en laissant pour unique impression celle d'une pénible recherche d'instrumentation. Les meilleurs passages venaient mal à propos, et la gaieté, la tristesse, le désespoir, la tendresse, le triomphe se succédaient avec l'incohérence des impressions d'un fou pour disparaître d'eux-mêmes. Lévin, quand le morceau se termina brusquement, fut étonné de la fatigue que cette tension d'esprit lui avait causée. Il se fit l'effet d'un sourd qui regarderait danser, et en écoutant les applaudissements de l'auditoire, il voulut comparer ses impressions à celles des gens compétents. On se levait de tous côtés pour se rapprocher et causer dans l'entracte des deux morceaux, et il put joindre Peltzoff, qui parlait à l'un des principaux connaisseurs de la musique. « C'est étonnant !» disait Peltzoff de sa voix de basse. « Oh, bonjour, Constantin Dmitritch. Le passage le plus riche en couleurs, le plus sculptural, dirais-je, est celui où Cordelia apparaît, où la femme d'Assevig Vexblich entre en lutte avec la fatalité, n'est-ce pas ?»« Pourquoi Cordelia ?» demanda timidement Lévin, qui avait absolument oublié qu'il s'agissait du roi Lear. « Cordelia apparaît, voyez-vous, » dit Petzoff en indiquant le programme à Lévin, qui n'avait pas remarqué le texte de Shakespeare traduit en russe et imprimé sur le revers du programme. « On ne peut suivre sans cela. » L'entracte se passa à discuter les mérites et les défauts des tendances wagnériennes. Lévin s'efforça de démontrer que Wagner avait tort d'empiéter sur le domaine des autres arts, et Peltzoff voulant prouver que l'art est un et que pour arriver à la grandeur suprême, il faut que toutes les manifestations en soient réunies en un seul faisceau. L'attention de Lévin était épuisée. Il n'écouta plus le second morceau, dont la simplicité affectée fut comparée par Peltzoff à une peinture pré-raphaélique, et aussitôt après le concert, il se hâta de rejoindre sa belle-sœur. En sortant, après avoir rencontré les personnes de connaissance avec lesquelles il échangea les mêmes remarques politiques et musicales, il aperçut le comte Boll et la visite qu'il devait faire lui revint à l'esprit. « Allez-y bien vite, » dit Nathalie, à laquelle il confia ses remords, et qu'il devait accompagner à une séance publique d'un comité slave. « Peut-être la comtesse ne reçoit-elle pas. Vous viendrez ensuite me rejoindre. » « On ne reçoit peut-être pas ?» demanda Lévin en entrant dans le vestibule de la maison Boll. « Si fait, veuillez entrer, » répondit le Suisse en ôtant résolument la fourrure du visiteur. « Quel ennui !» pensa Lévin, qui retirait un de ses gants en soupirant et tournait mélancoliquement son chapeau entre ses mains. « Que vais-je leur dire? Et que suis-je venu faire ici ?» Dans le premier salon, il rencontra la comtesse, qui donnait d'un air sévère des ordres à un domestique. Son visage se radoucit en apercevant Lévin, et elle le pria d'entrer dans un boudoir où ses deux filles causaient avec un officier supérieur. Lévin entra, salua, s'assit près d'un canapé et posa son chapeau entre ses genoux. « Comment va votre femme? Vous venez du concert ?» « Nous n'avons pu y aller, » dit l'une des jeunes filles. La comtesse parut, assise sur un canapé, et, se tournant vers Lévin, reprit la série des mêmes questions. La santé de Kitty, le concert, et ajouta pour varier quelques détails sur la mort subite d'une amie. « Avez-vous été hier à l'opéra ?»« Oui. »« Oh, la Lucas était superbe !» Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'officier supérieur se leva, salua et sortit. Lévin fit mine de suivre cet exemple, mais un regard étonné de la comtesse le retint. Le moment n'était pas venu. Il se rassit, tourmenté de la sotte figure qu'il faisait, et de plus en plus incapable de trouver un sujet de conversation. « Irez-vous à la séance du comité ?» demanda la comtesse. « On dit qu'elle sera intéressante. »« Oh, j'ai promis d'y aller chercher ma belle-sœur. » Nouveau silence, pendant lequel les trois dames échangèrent un regard. « Il doit être temps de partir, » pensa Lévin, et il se leva. Les dames ne le retinrent plus, lui serrèrent la main et le chargèrent de 1000 choses pour sa femme. Le Suisse, en lui remettant sa pelisse, lui demanda son adresse et l'inscrivit gravement dans un superbe livre relié. Au fond, tout cela m'est bien égal, pensa Lévin, mais bon Dieu, qu'on a l'air bête, et combien tout cela est inutile et ridicule. Il alla chercher sa belle-sœur, la ramena chez lui, y trouva Kitty en bonne santé, et se rendit au club où il devait rejoindre son beau-père. Lévin n'avait pas remis le pied au club depuis le temps où, après avoir terminé ses études, il passa un hiver à Moscou. Mais ses souvenirs à demi effacés se réveillèrent devant le grand perron au fond de la vaste cour circulaire lorsqu'il vit le Suisse lui ouvrir, en le saluant, la porte d'entrée, et l'inviter à quitter ses galoches et sa fourrure avant de monter au premier. Comme autrefois, il éprouva une espèce de bien-être auquel se joignait le sentiment de se trouver en bonne compagnie. « Voilà longtemps que nous avons eu le plaisir de vous voir, » dit le second Suisse, qui le reçut au haut de l'escalier, et auquel tous les membres du club ainsi que toute leur parenté étaient connus. « Le prince vous a inscrit hier. Stepan Arkadievitch n'est pas encore arrivé. » Lévin, en entrant dans la salle à manger, trouva les tables presque entièrement occupées. Parmi les convives, il reconnut des figures amies, le vieux prince, Svialjeski, Serge Ivanitch, Vronsky, et tous, jeunes et vieux, semblaient avoir déposé leurs soucis au vestiaire avec leur fourrure, pour ne plus songer qu'à jouir des douceurs de la vie. « Tu viens tard, » dit le vieux prince, tendant la main à son gendre par-dessus l'épaule et en souriant. « Comment va Kitty ? » ajouta-t-il en introduisant un coin de sa serviette dans une boutonnière de son gilet. Oh, « elle va bien et dîne avec ses deux sœurs. »« Oh, tant mieux. Ah, tiens, va vite te mettre à cette table là-bas. Ici, tout est pris, » dit le prince, en prenant avec précaution une assiette d'oie de la main d'un domestique. « Par ici, Lévin !» cria une voix joviale du fond de la salle. C'était Tulopsine, assis près d'un jeune officier et gardant deux places qu'il destinait à Oblonsky et à Lévin. Celui-ci prit avec plaisir une des chaises réservées et se laissa présenter au jeune officier. « Oh, ce Stiva est toujours en retard !»« Ah, le voici !»« Tu viens d'arriver, n'est-ce pas ?» demanda Oblonsky à Lévin lorsqu'il fut près de lui. « Allons, prendre un verre d'eau de vie !» Et avant de commencer leur dîner, les deux amis s'approchèrent d'une grande table sur laquelle une zakouska des plus variées était dressée. Stepan Arkadievitch trouva moyen néanmoins de demander un hors-d'œuvre spécial qu'un laquais en livrée s'empressa de lui procurer. Aussitôt après le potage, on fit servir du champagne. Lévin avait faim, il mangea et but avec un grand plaisir, s'amusant de bon cœur des conversations de ses voisins. On raconta des anecdotes un peu légères, on se porta des toasts réciproques en faisant disparaître les bouteilles de champagne l'une après l'autre. On parla chevaux, courses, et l'on cita le trotteur de Vronsky Atlas, qui venait de gagner un prix. « Et voilà le repropriétaire lui-même, » dit Stepan Arkadievitch vers la fin du dîner, se renversant en arrière sur sa chaise pour tendre la main à Vronsky, qu'accompagnait un colonel de la garde d'une stature gigantesque. Vronsky se pencha vers l'Oblonsky, lui murmura d'un air de bonne humeur quelques mots à l'oreille, et avec un sourire aimable, tendit la main à Lévin. « Enchanté de vous rencontrer, lui dit-il, je vous ai cherché dans toute la ville après les élections. Vous aviez disparu. »« Oh, c'est vrai, je me suis esquivé le même jour. Nous venons de parler de votre trotteur, je vous en fais mon compliment. »« N'élevez-vous pas aussi des chevaux de course ?»« Moi, non, mais mon père avait une écurie et par tradition je m'y connais. »« Où as-tu dîné ?» demanda Oblonsky. À la seconde table derrière les colonnes. On l'a accablé de félicitations, c'est joli, un second prix impérial. Ah, si je pouvais avoir la même chance au jeu, dit le grand colonel. Ah, c'est Yashvin, dit Tulomtsine à Lévin, en voyant le géant se diriger vers la chambre dite infernale. Vronsky s'attabla près d'eux et, sous l'influence du vin et de l'atmosphère sociale du club, Lévin l'osa cordialement avec lui. Heureux de ne plus sentir de haine contre son ancien rival, il fit même une allusion à la rencontre qui avait eu lieu chez la princesse Marie Borisovna. « Marie Borisovna, quelle femme !» s'écria Stepan Arkadievitch, et il conta sur la vieille dame une anecdote qui fit rire tout le monde, et principalement Vronsky. « Eh bien, messieurs, si nous avons fini, sortons, » dit Oblonsky. Lévin quitta la salle à manger avec un singulier sentiment de légèreté dans les mouvements et rencontra son beau-père dans le salon voisin. « Que dis-tu de ce temple de l'indolence ?» demanda le vieux prince, en prenant son gendre sous le bras. « Viens faire un tour. »« Oh, je ne demande pas mieux, car cela m'intéresse. »« Moi aussi, mais autrement que toi. »« Quand tu vois des bons hommes comme ceux-ci, » dit-il en montrant un vieux monsieur voûté, à la lèvre tombante, qui avançait péniblement, chaussé de bottes de velours, « Tu crois volontiers qu'ils sont nés gâteux, et cela te fait sourire. Tandis que moi, je les regarde en me disant qu'un de ces jours, je traînerai la patte comme eux. Tout en causant et en saluant leurs amis au passage, les deux hommes traversèrent les salons où l'on jouait aux cartes et aux échecs, pour arriver au billard où un groupe de joueurs s'était rassemblé autour de quelques bouteilles de champagne. Ils jetèrent un coup d'œil à la chambre infernale. Yavchine, entouré de parleurs, y était déjà installé. Ils entrèrent avec précaution dans la salle de lecture. Un homme jeune et de méchante humeur y feuilletait les journaux sous la lampe près d'un général chauve absorbé par sa lecture. Ils pénétrèrent également dans une pièce que le prince avait surnommée le « salon des gens d'esprit » et y trouvèrent trois messieurs discourant sur la politique. « Prince, on vous attend !» vint annoncer un des partenaires de la partie du vieux prince qui le cherchait de tous côtés. Resté seul, Lévin écouta encore les trois messieurs, puis se rappelant toutes les conversations du même genre entendues depuis le matin, il éprouva un ennui si profond qu'il se sauva pour chercher Tulwalsin et Oblonsky, avec lesquels au moins on ne s'ennuyait pas. Ceux-ci étaient restés dans la salle de billard où Stepan Arkadievitch et Vronsky causaient dans un coin près de la porte. « Ce n'est pas qu'elle s'ennuie, mais cette indécision l'énerve !» entendit Lévin en passant. Il voulut s'éloigner, mais Stiva l'appela. « Ça va pas, Lévin, » dit-il, les yeux humides comme ils avaient toujours après un moment d'attendrissement ou après boire. Et ce jour-là, c'était l'un et l'autre. « C'est mon meilleur, mon plus cher ami, » dit-il en s'adressant à Vronsky. Et comme toi aussi tu m'es cher, je voudrais vous rapprocher, vous voir ami, vous êtes digne de l'être. Il ne nous reste qu'à nous embrasser, répondit Vronsky gaiement, offrant à Lévin une main que celui-ci serra avec cordialité. Enchanté, enchanté. Du champagne, cria Oblonsky à un domestique. Je le suis également, dit Vronsky. Cependant, malgré cette mutuelle satisfaction, ils ne surent que dire. « Tu sais qu'il ne connaît pas Anna, » fit remarquer Oblonsky, « et je veux le lui présenter. »« Elle en sera ravie, » répondit Vronsky. « Je vous aurais prié de partir immédiatement, mais je me suis inquiet de Yavchin et je veux le surveiller. »« Il est en train de perdre ?» tout ce qu'il possède. Moi seul ai quelque influence sur lui, dit Vronsky. Et au bout d'un moment, il les quitta pour rejoindre son ami. Ben, pourquoi n'irions-nous pas chez Anna sans lui, dit Oblonsky, en prenant Lévin par le bras quand ils furent seuls. Il y a longtemps que je lui promets de t'amener. Que fais-tu ce soir? Oh, rien de particulier. « Allons-y, si tu le désires. »« Parfait. Fais avancer ma voiture, » dit Oblonsky en s'adressant à un laquais. Et les deux hommes quittèrent le billard. « La voiture du prince Oblonsky !» cria le Suisse d'une voix tonnante. La voiture avança. Les deux amis y montèrent et l'impression de bien-être physique et moral éprouvée par Lévin à son entrée au club persista tant qu'ils restèrent dans la cour. Mais les cris des isvotchiks dans la rue, les secousses de l'équipage et l'aspect de l'enseigne rouge d'un cabaret borgne le ramenèrent à la réalité. Il se demanda s'il avait raison d'aller chez Anna. Que dirait Kitty ? Stepan Arkadievitch, comme s'il eût deviné ce qui se passait dans l'esprit de son compagnon, coupa court à ses méditations. « Combien je suis heureux de te la faire connaître. Tu sais que Dolly le désire depuis longtemps. Lvov aussi va chez elle. Bien qu'elle soit ma sœur, je ne peux pas nier la haute supériorité d'Anna. C'est une femme remarquable. Malheureusement, sa situation est plus triste que jamais. Pourquoi cela ? Ben, nous négocions un divorce. Son mari consent. Mais il surgit des difficultés à cause de l'enfant. Et depuis 3 mois, l'affaire n'avance pas. Dès que le divorce aura été prononcé, elle épousera Vronsky et sa position deviendra aussi régulière que la tienne ou la mienne. Mais en quoi consistent ces difficultés ? Ce serait trop long à te les raconter. Quoi qu'il en soit, la voilà depuis 3 mois à Moscou, où elle est connue de tout le monde, et elle n'y voit pas d'autre femme que Dolly, parce qu'elle ne veut s'imposer à personne. Croirais-tu que cette sorte de princesse barbe lui a fait entendre qu'elle la quittait par convenance ? Une autre Canna se trouverait perdue, mais tu vas voir si elle est au contraire organisée une vie digne et bien remplie. À gauche, en face de l'église, cria Oblonsky au cocher, se penchant par la fenêtre et rejetant sa fourrure en arrière, malgré 12 degrés de froid. N'a-t-elle donc pas une fille dont elle s'occupe ? Tu ne connais pas d'autre rôle à la femme que celui de la couveuse. Mais certainement oui, elle s'occupe de sa fille, mais elle n'en fait pas parade. Ses occupations sont d'un ordre intellectuel. Elle écrit. Oh, je te vois sourire, et tu as tort. Ce qu'elle écrit est destiné à la jeunesse, elle n'en parle à personne. Sinon à moi, qui ai montré le manuscrit à Valkouef, l'éditeur. Comme il écrit lui-même, il s'y connaît, et à son avis, c'est une chose remarquable. Ne t'imagine pas au moins qu'elle pose pour le bas bleu. Anna est avant tout une femme de cœur. Elle s'est aussi chargée d'une petite Anglaise et de sa famille. Par philanthropie, pourquoi y chercher un ridicule ? Cette famille est celle d'un dresseur anglais et très habile dans son métier que Vronsky employait. Le malheureux perdu de boisson a abandonné femme et enfant. Anna s'est intéressée à cet infortuné et a fini par se charger des enfants, mais pas seulement pour leur donner de l'argent, car elle enseigne elle-même le russe à un des garçons afin de le faire entrer au gymnase et garde la petite fille chez elle. La voiture entra en ce moment dans une cour. Stepan Arkadievitch sonna à la porte devant laquelle il s'était arrêté et, sans demander si on recevait, se débarrassa de sa fourrure dans le vestibule. Lévin, plus en plus inquiet sur la convenance de la démarche qu'il faisait, imita cependant cet exemple. Il se trouva très rouge en se regardant au miroir, mais sûr de ne pas être gris. Il monta l'escalier à la suite d'Oblonsky. Un domestique les reçut au premier et, questionné familièrement par Stepan Arkadievitch, répondit que madame était dans le cabinet du comte avec M. Valkouef. Ils traversèrent une petite salle à manger en boiserie et entrèrent dans une pièce faiblement éclairée où un réflecteur placé près d'un grand portrait répandait une lumière très douce sur l'image d'une femme aux épaules opulentes, aux cheveux noirs frisés, au sourire pensif, au regard troublant. Lévin demeura fasciné. Une créature aussi belle ne pouvait exister dans la réalité. C'était le portrait d'Anna, fait par Mikhailov en Italie. « Moi, je suis charmé !» dit une voix qui s'adressait évidemment au nouveau venu. C'était Anna, qui, dissimulée par un treillage de plantes grimpantes, se levait pour accueillir ses visiteurs. Et dans la demi-obscurité de la chambre, Lévin reconnut l'original du portrait, en toilette simple et montante, qui ne prêtait pas au déploiement de sa beauté, mais ayant ce charme souverain si bien compris de l'artiste. Elle s'avança vers lui et ne dissimula pas le plaisir que lui causait sa visite. Avec l'aisance et la simplicité d'une femme du meilleur monde, elle lui tendit une petite main énergique, le présenta à Varkouef et lui nomma la jeune fille assise avec son ouvrage près de la table. « Je suis très heureuse de faire votre connaissance, car il y a longtemps que vous ne m'êtes plus un étranger, grâce à Stiva et à votre femme. Je n'oublierai jamais l'impression que celle-ci m'a faite. On ne peut comparer cette charmante personne qu'à une jolie fleur, et j'apprends qu'elle sera bientôt mère. » Elle parlait sans se presser, regardant tour à tour Lévin et son frère, et mettant son nouveau visiteur à l'aise, comme s'ils se fussent connus depuis leur enfance. Oblonski lui demanda si on pouvait fumer. « C'est pour cela que nous nous sommes réfugiés dans le cabinet d'Alexis, » répondit-elle, en avançant un porte-cigarette d'écaille à Lévin après y avoir pris une cigarette. « Comment vas-tu aujourd'hui ?» dit Stiva. « Oh, pas mal, un peu nerveuse, comme toujours. » « N'est-ce pas qu'il est beau ?» dit Stefan Arkadievitch, remarquant l'admiration de Lévin pour le portrait. « Je n'ai rien vu de plus parfait. »« Ni de plus ressemblant, » ajouta Varkouef. Le visage d'Anna brilla d'un éclat tout particulier, lorsque, pour comparer le portrait à l'original, Lévin la regarda attentivement. Celui-ci rougit, et pour cacher son trouble, demanda à Madame Karénine quand elle l'avait vu Dolly. « Dolly, oh, je l'ai vue avant-hier, très montée contre les professeurs de Grisha au gymnase, qu'elle accuse d'injustice. Nous causions tout à l'heure avec M. Varkouev des tableaux de Voltchenko. Les connaissez-vous ?»« Oui, » répondit Lévin. Et la conversation s'engagea sur les nouvelles écoles de peinture et sur les illustrations qu'un peintre français venait de faire de la Bible. Anna causait avec esprit, mais sans aucune prétention, s'effaçant volontiers pour faire briller les autres, et au lieu de se torturer comme il l'avait fait le matin, Lévin trouva agréable et facile, soit de parler, soit d'écouter. À propos du réalisme exagéré que Varkouef reprochait à la peinture française, Lévin fit remarquer que le réalisme était une réaction, et jamais la convention dans l'art n'ayant été poussée aussi loin qu'en France. « Ne plus mentir devient de la poésie, » dit-il, et il se sentit heureux de voir Anna rire en l'approuvant. « Ce que vous dites là caractérise également la littérature, » reprit-elle, « Zola, Daudet. Il en est peut-être toujours ainsi. » On commence par rêver des types imaginaires, un idéal de convention, mais les combinaisons faites, ces types paraissent ennuyeux et froids, et l'on retombe dans le naturel. « C'est juste, » dit Varkouef. « Ainsi vous venez du club, » dit Anna à son frère, se penchant vers lui pour lui parler à voix basse. « Voilà une femme, » pensa Lévin, absorbé dans la contemplation de cette physionomie mobile, qui, en causant avec Stiva, exprimait tour à tour la curiosité, la colère et la fierté. Mais l'émotion d'Anna fut passagère. Elle ferma les yeux à demi comme pour recueillir ses souvenirs, et, se tournant vers la petite Anglaise, « Please, order the tea in the drawing room, » dit-elle. L'enfant se leva et sortit. « A-t-elle bien passé son examen ?» demanda Stepan Arkadievitch. « Oh, parfaitement, c'est une jeune fille pleine de moyens et d'un naturel charmant. Tu finiras par la préférer à ta propre fille. Voilà bien un jugement d'homme. Peut-on comparer ces deux affections ? J'aime ma fille d'une façon, celle-ci d'une autre. » « Ah, si Anna Arkadievna voulait dépenser au profit d'enfants russes la centième partie de l'activité qu'elle consacre à cette petite Anglaise, quel service son énergie ne rendrait-elle pas ? Elle accomplirait de grandes choses. Que voulez-vous? Cela ne se commande pas. Le comte Alexis Kirillovitch. Elle regardait Lévin d'un air timide en prononçant ce nom, et celui-ci lui répondit par un regard approbateur et respectueux. Le comte Kirillovitch m'a fort encouragé à visiter les écoles à la campagne. J'ai essayé, mais n'ai jamais pu m'y intéresser. Vous parlez d'énergie, mais la base de l'énergie, c'est l'amour. Et l'amour ne se donne pas à volonté. Je serais fort embarrassé de vous dire pourquoi je me suis attaché à cette petite Anglaise. Je n'en sais rien. Elle regarda encore Lévin comme pour lui prouver qu'elle ne parlait que dans le but d'obtenir son approbation, sûre d'avance cependant qu'il se comprenait. « Combien je suis de votre avis ? » s'écria celui-ci. « On ne saurait mettre son cœur dans ces questions scolaires. Aussi les institutions philanthropiques restent-elles généralement lettres mortes ?»« Oui, » dit Anna, après un moment de silence, « je n'ai jamais réussi à aimer tout un ouvroir de vilaines petites filles. Je n'ai pas le cœur assez large, pas même maintenant. » Où j'aurais tant besoin d'occupation, ajouta-t-elle d'un air triste, et en s'adressant à Lévin, quoiqu'elle parlât à son frère. Puis, fronçant le sourcil comme pour se reprocher cette demi-confidence, elle changea de conversation. Vous avez la réputation d'être un assez médiocre citoyen, dit-elle en souriant à Lévin, mais je vous ai toujours défendu. De quelle façon? Cela dépendait des attaques. Mais si nous allions prendre le thé, dit-elle en se levant et prenant un livre relié sur la table. Donnez-le-moi, Anna Arkadievna, dit Varkouef en montrant le livre. Non, c'est trop peu de choses. Je lui en ai parlé, murmura Stepan Arkadievitch en désignant Lévin. « Oh, mais tu as eu tort. Mes écrits ressemblent à ces petits ouvrages faits par des prisonniers qu'on nous vendait jadis. Ce sont des œuvres de patience. » Lévin fut frappé du besoin de sincérité de cette femme remarquable comme d'un charme de plus. Elle ne voulait pas dissimuler les épines de sa situation et ce beau visage prit une expression grave qui l'embellit encore. Lévin jeta un dernier coup d'œil au merveilleux portrait, tandis qu'Anna prenait le bras de son frère, et un sentiment de tendresse et de pitié s'empara de lui. Madame Karénine laissa les deux hommes passer au salon et resta en arrière pour causer avec Stiva. De quoi lui parlait-elle? Du divorce? De Vronsky? Lévin ému n'entendit rien de ce que lui raconta Varkouef sur le livre écrit par la jeune femme. On causa pendant le thé. Les sujets intéressants ne tarissaient pas et tous les quatre semblaient débordés d'idées. Mais on s'arrêtait pour laisser parler son voisin et tout ce qui s'y disait prenait pour Lévin un intérêt spécial. Il écoutait Anna, admirait son intelligence, la culture de son esprit, son tact, son naturel, et cherchait à pénétrer les replis de sa vie intime, de ses sentiments. Lui, si prompt à la juger et si sévère jadis, ne songeait plus qu'à l'excuser, et la pensée qu'elle n'était pas heureuse, et que Vronsky ne la comprenait pas, lui serrait le cœur. Il était plus de 11 heures lorsque Stepan Arkadievitch se leva pour partir. Varkouef les avait déjà quittés depuis quelque temps. Lévin se leva aussitôt, mais à regret. Il croyait être là depuis un moment seulement. « Adieu !» lui dit Anna, en retenant une de ses mains dans les siennes avec un regard qui le troubla. « Je suis contente que la glace soit rompue. Dites à votre femme que je l'aime comme autrefois, et si elle ne peut me pardonner ma situation... « Dites-lui combien je souhaite que jamais elle ne vienne à la comprendre. Pour pardonner, il faut avoir souffert, et que Dieu l'en préserve. »« Je le lui dirai, » répondit Lévin en rougissant. Pauvre et charmante femme, pensa Lévin, en se retrouvant dans la rue à l'air glacé de la nuit. Que t'avais-je dit ? Lui demanda Oblonsky, en le voyant conquis. N'avais-je pas raison ? Oui, répondit Lévin d'un air pensif. Cette femme est vraiment remarquable, et la séduction qu'elle exerce ne tient pas seulement à son esprit. On sent qu'elle a du cœur. Oh, elle fait peine. Dieu merci, tout s'arrangera, j'espère, mais que ceci te prouve qu'il faut se méfier des jugements téméraires. Bah, adieu, nous allons de côtés différents. Lévin rentra chez lui, subjugué par le charme d'Anna, cherchant à se rappeler les moindres incidents de la soirée et persuadé qu'il comprenait cette personne supérieure. Kouzma, en ouvrant la porte, apprit à son maître que Catherine Alexandrovna se portait bien et que ses sœurs venaient à peine de la quitter. Il lui remit en même temps deux lettres et Lévin les parcourut aussitôt. L'une était de son intendant, qui ne trouvait pas acheteur pour le blé à un prix convenable. L'autre de sa sœur, qui lui reprochait de négliger son affaire de tutelle. « Eh bien, nous vendrons au-dessous de notre prix, » pensa-t-il, tranchant légèrement la première question. « Oh, quant à ma sœur, elle est dans son droit, en me grondant, mais le temps passe si rapidement que j'ai pas trouvé le moyen d'aller au tribunal aujourd'hui. J'en avais cependant l'intention. » Il se jura d'y aller le lendemain, et se dirigeant vers la chambre de sa femme, jeta un coup d'œil rétrospectif sur sa journée. Qu'avait-il fait, sinon causer, toujours causer ? Aucun des sujets abordés ne l'eût occupé à la campagne. Il ne prenait d'importance qu'ici, et quoique ses entretiens n'eussent rien de répréhensible, il se sentit comme un remords au fond du cœur en se rappelant son attendrissement de mauvais aloi sur Anna. Kitty était triste et rêveuse. Le dîner des trois sœurs avait été gai. Cependant, Lévin ne rentrant pas, la soirée leur avait paru longue. « Mais qu'es-tu devenu ?» lui demanda-t-elle, remarquant un éclat suspect dans ses yeux, mais se gardant bien de le dire pour ne pas arrêter son expansion. « J'ai rencontré Vronsky au club et j'en suis bien aise. Cela s'est passé naturellement et dorénavant, il n'y aura plus de gêne entre nous, quoique mon intention ne soit pas de rechercher sa société. » Et tout en disant ces mots, il rougit, car pour ne pas rechercher sa société, il avait été chez Anna en sortant du club. « Nous nous plaignons des tendances du peuple à l'ivrognerie, mais je crois que les hommes du monde boivent tout autant et ne se bornent pas à se griser les jours de fête. » Kitty s'intéressait beaucoup plus à la cause de la rougeur subite de son mari qu'aux tendances du peuple à l'ivrognerie. Aussi reprit-elle ses questions. « Qu'as-tu fait après le dîner ?»« Ostiva m'a tourmenté pour l'accompagner chez Anna Arkadievna, » répondit-il, rougissant de plus en plus et ne doutant pas cette fois du peu de convenance de sa visite. Les yeux de Kitty lancèrent des éclairs, mais elle se contint et dit simplement « Ah, tu es pas fâchée ! Stiva me l'a demandé avec tant d'insistance et je savais que Delille désirait également. « Oh non !» répondit-elle, avec un regard qui ne prédisait rien de bon. « C'est une charmante femme qu'il faut plaindre, » continua Lévin. Et il raconta la vie que menait Anna et transmit ses souvenirs à Kitty. « De qui as-tu reçu une lettre ?» Il le lui dit, et trompé par ce calme apparent, passa dans son cabinet pour se déshabiller. Quand il rentra, Kitty n'avait pas bougé, assise à la même place. Elle le regarda approcher et fondit en larmes. « Mais qu'y a-t-il » demanda-t-il inquiet, comprenant la cause de ses pleurs. « Tu t'es épris de cette affreuse femme, Je l'ai vue à tes yeux. Elle t'a déjà ensorcelé. Et pouvait-il en être autrement? Tu as été au club, tu as trop bu. Où pouvais-tu aller de là, sinon chez une femme comme elle? Non, cela ne saurait durer ainsi. Demain, nous repartons. » Lévin eut fort à faire pour adoucir sa femme et n'y parvint qu'en promettant de ne plus retourner chez Anna, dont la pernicieuse influence, jointe à un excès de champagne, avait troublé sa raison. Ce qu'il confessa avec plus de sincérité fut le mauvais effet que lui produisait cette vie oisive, passée à boire, manger et bavarder. Ils causèrent fort avant dans la nuit et ne parvinrent à s'endormir que vers 3 heures du matin, assez réconciliés pour retrouver le sommeil.